Je craindrai de punir un perfide de ses feux triomphants. Thank you. m'a fait dépendre. J'ai parlé, c'est assez. Ne cherche plus comme moi le pouvoir d'un père et d'un roi. Pourquoi précipiter un dessein? Quoi l'exquise? Des troubles, je m'en mets, je connais la raison. Quant au prince d'Argos, votre cœur se refuse. Il va se garder. via, barbare, tu fu satisfaite, par de plus grand forfait, fur vous mérité, le détestable honneur de faire redouter le pouvoir que l'enfer vous prête. Un peu de sang versé, vous m'est-il en courroux, si c'est pour vous redonner ce spectacle funeste. Si j'ai sur lui quelque empire, craignez à vous punir la dernière rigueur. Je ne m'en servirai que pour mettre en son cœur toute la haine que m'inspire ce que pour fou je sens d'horreur. Que peuvent contre moi ces desseins de vengeance? Quels effets? Thank you. Transport qui m'anima, porte bénie, j'irai jusqu'aux enfers.